j'ai succombé à ton charme. Comme je danse sous la mitraille, est-ce que tu penses à moi? Je me tourne sur mon meilleur profil pour que tu trouves que je suis beau. Je suis beau, n'est-ce pas? Je crois. Et j'enterre des lunes car Karine, je n'avouerai jamais que j'en pense pour toi. Je me surprends à raconter des blagues. Je te soupçonne d'essayer d'en rire. Je suis pathétique, ordinaire, je crois. Comme tu joues bien l'indifférence, comme je tricote la laine des nuages pour habiller les étoiles. Et j'enterre des lunes car Karine, je n'avouerai jamais que j'en pense pour toi. Karine, je t'ai vu ce matin glisser et tomber sur la chaussée. Comme tu es blessé, moi aussi. Car Karine,